au grange. Tu vois, je te porte, mais ta vie en jeu. Range ta langue, fais pas le mafieux. Ça sera beaucoup mieux pour toi, mon vieux. Holy, ça tu baves comme une grosse chaîne. J'ai pas de peine pour les gens qui la ramènent. Une sale scène fait un meurtre, une chose malsaine. J'ai vu un mec sans genre qui part terrestre. Personne sait qui au fond de moi je suis. Ça sera comme ça car la bouche te détruit. Oh oui, parle pendant que je construis. Oh bled, mec des quartiers, moi j'ai bâti. Avis assuré contre la famine. Inch'Allah que mon peuple brille. Amine, sur la mauvaise voie par obligation. Car c'est dur de vouloir nourrir une nation. Non, non, j'ai rien à prouver. Sache que chez moi y'a rien à trouver. Non, non, j'ai rien à prouver. Envers la rue j'en ai rien à secouer. Non, non, j'ai rien à prouver. Peur de personne, je me ferai pas trouer. Non, non, j'ai rien à prouver. Au lieu de parler, moi je préfère crever. Je salis pas mes mains et mon bis fonctionne. Trop propre pour les flics, chaque enquête ils abandonnent. Je roule pas en V12, mais sache que je pourrais. Je préfère garder mes coups, sinon je m'en voudrais. Fier de moi car j'ai jamais été au poste. Trop sur moi quand un inconnu m'accoste. J'trouvais mes arrières, des jaloux dans l'entourage. J'calcule pas les deppes qui essayent de me mettre la rage. Y'a des mecs qui pour 100 eux pourraient vous tuer. J'veux pas me faire remarquer, je reste muet. Armé jusqu'au dents, y'a de quoi à fournir. C'est marrant de voir les faux lascars courir. J'lois un plus que moi, AK-47. Tellement que je l'aime, tous les jours j'dors avec. Cette putain de guerre m'a rendu parano. Comment oublier les obus au-dessus de Sarajevo. Non, non, j'ai rien à prouver. Sache que chez moi y'a rien à trouver. Non, non, j'ai rien à prouver. Envers la rue j'en ai rien à secouer. Non, non, j'ai rien à prouver. Peur de personne, j'me ferai pas trouer. Non, non, j'ai rien à prouver. Au lieu de parler, moi j'préfère crever. Que Dieu me pardonne pour toutes les erreurs. Allah ou Ekber, sort de lui, moi j'ai peur. Tout ce que je fais, sache que je le regrette. Dans le haram, y'a pas de but, tous les actes sont nets. J'peux pas autrement, y'a trop de bouches à nourrir. J'peux pas laisser faire et les tous voir mourir. J'me mets dans la merde pour les faire tenir. L'Occident a un vœu, c'est de nous voir pourrir. Donc je souffre pour eux, me baigne dans l'illicite. Je sais que c'est mal, mais le mal m'assit. Cruels doivent être les flammes en enfer. Je veux éviter le shaitan, mais dis-moi comment faire. C'est grave car j'ai arrêté de prier. Faut que je me lave ces péchés, veulent me plier. J'ai pas oublié de citer l'affaire d'Ira. Je suis à la recherche de la bonne voie, subhanallah. Non, non, j'ai rien à prouver. Sache que chez moi y'a rien à trouver. Non, non, j'ai rien à prouver. Envers la rue j'en ai rien à secouer. Non, non, j'ai rien à prouver. Peur de personne, je me ferai pas trouer. Non, non, j'ai rien à prouver. Au lieu de parler, moi je préfère crever. Crever, crever, crever, crever, crever, crever.